Seigneur Jésus, le Dieu incommensurablement grand. J'ai appris à ne rien considérer comme acquis dans la vie. Tout est grâce, tout est grâce. Je te rends grâce, ô Seigneur, ta grâce, ta faveur illimitée me pousse à t'exprimer ma plus grande reconnaissance. C'est par ton obligeance, je suis ce que je suis. Si je vis, c'est ton amour. Ce que tu as fait pour moi, des mots me manquent, Seigneur. Je peux compter les jours, les mois, même des années. Tes bienfaits sont inexplicables. Oh, oh, oh. Je ne peux me taire, même dans la sombre et des cendres, même dans la rue, pour exprimer ta grandeur. En un mot, merci. Juste un mot. Merci. Nous te disons merci. Merci. Oh, oh, oh. Merci. Yeshua, merci. Merci. Si je vis, si je respire, c'est par ton amour. Merci. Si je vois, je vis, Seigneur. Merci. Oh, nous te disons. Oh, merci. Si rassemblés, nous te disons merci. Quand je m'endors, tu m'en réveilles. Quand je m'endors, tu m'en réveilles. Quand je mange, tu es mon appétit. Quand je marche, tu es mon protecteur. Le sentier qui guide mes pas. Oh. Ah. Ah. Tu es ma source de joie. Seigneur, je te rends grâce pour ma vie. Dans les dangers les plus coriaces de ma vie, ta main n'est pas courte, Yeshua. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je tombe, tu me relèves. Tu te sers de mes faiblesses pour me rendre plus grand. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci. Oh, merci. Merci. Merci. Merci. Incommensurablement puissant tu es. Merci. Je te rends grâce pour ma vie. Alléluia. Merci. Merci. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. En ce jour béni par toi, je ne peux compter ceux qui sont morts depuis ma naissance. Je ne peux compter ceux qui sont malades. Je ne peux compter ceux qui ne peuvent plus parler. Je ne peux compter ceux qui ne peuvent plus marcher. Si je vis, c'est par ta grâce. Si je vis, c'est par ta grâce. Si je respire, c'est par ta grâce. Dans les hôpitaux, ils sont nombreux. Tu m'as gardé rabouni. Si je vis, ta grâce. Si je respire, c'est par ta grâce. Oh Jésus, oh oui, mon roi, Elohim. Lord, I've come to praise you, Lord. I've come to say I love you. And you brought me up from the merry clay. You set my feet upon the rock. And I give you all the glory. And I give you all the praise. You are the reason for the season. Worthy of our praises. You owe everything to me. I've come to say thank you. Merci. Oh, thank you, Jesus. Merci. Thank you for the hope you've given me today. Merci. I lift up my hands and say thank you, thank you, Lord. Merci. We say thank you, thank you, Lord. Merci. Thank you, thank you, Lord. Merci. Avec ce simple mot d'amour, Jésus, mon langage est pour exprimer la totalité de gratitude. Oh Jésus, reçois juste ma reconnaissance. Ma reconnaissance, ma reconnaissance, ma reconnaissance. Reçois de moi ma reconnaissance. Ma reconnaissance, mon cœur, ma reconnaissance, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance. When I hold up my hand, I say thank you. Ma reconnaissance, thank you. Ma reconnaissance, thank you. Ma reconnaissance, I give it all. I give it all. I give it to you. Ma reconnaissance, only you. Ma reconnaissance, only you. This one, I said thank you, thank you.